Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Farah. Bonjour Farah. Mais bonjour Sofiane. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, la super forme. Je suis tranquille dans mon fauteuil avec mon chat. Ah ben nickel. Comment il s'appelle le chat? Mon chat s'appelle Mazarin. Mazarin, d'accord. Mazarin qui était, oui, mais c'est parce que je suis fan d'histoire et donc Mazarin c'était le premier ministre de Louis XIV qui était fan de chats. Mais j'ai été obligée de lui donner un surnom et donc son surnom c'est Nabila. Parce qu'elle est belle, mais qu'elle est con. Mais j'adore mon chat. Elle est vraiment... D'accord. C'est ma vie. Mais donc voilà, c'est Mazarin alias Nabila. Okay, pour les okay. Intimes. Est-ce que par sécurité, tu enlèves les couteaux de son chemin? Les couteaux? Ah oui, oui, non, oui. Oui. Non, mais elle ne serait pas assez intelligente que pour les utiliser. Donc... L'original a su les utiliser quand même, il faut faire attention. Une intelligence psychomoteur en tout cas. Ok, bah, écoute, en tout cas on fait une grosse bise à Mazarin alias Nabila, pas de souci. Elle vous embrasse donc, tous. Tant ah, mais gros bisous, j'aime beaucoup les chats aussi. C'est quoi comme race? Alors, je l'ai adopté et en fait apparemment ce serait un croisement avec les Norvégiens, je ne sais pas si tu vois, c'est des chats qui ont des longs poils comme ça ils sont, et des yeux bleus et, ouais. Et j'imagine un chat de gouttière parce qu'elle a la couleur des chats de gouttière, mais donc elle est très classe et très belle. Ça l'empêche pas d'être belle quoi. Elle est canon. Bah, ah, heureusement d'ailleurs, parce que comme il n'y a pas une vivacité de dingue, heureusement qu'elle est très belle, tu vois. Non, elle est vraiment très très belle. Et elle est adorable, elle est vraiment trop choupie. C'est le chat le plus gentil du monde. Bref. Eh bien, écoutez, c'est ça. Voilà. Donc, les gens se disent, mais est-ce qu'on est sur le podcast de Tomenko ça peut être galère de chat hein, aussi. Hein. Tu peux nous c'est raconter vrai. Des galères avec ton chat, tu vois, on ne sait pas. Hein. J'ai aucune galère avec mon chat, elle est parfaite. Oh, magnifique, ça fait plaisir de voir de l'amour comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne portent pas autant d'amour à leurs enfants. C'est vrai. Voilà, je ne suis pas sûre que je porterai autant d'amour à mes enfants, en fait. Ah, mais écoute. Je n'en ai pas. Je tiens à rassurer les services sociaux, je n'ai pas d'enfants. Oui, ah non. Ah, voilà, non, s'explique non, finalement par la phrase précédente. Voilà, annulez vos appels et vos plaintes, tout va bien, elle n'a pas d'enfants, elle a juste un chat, et elle s'en occupe très très bien. Voilà, cette phrase est très bizarre. Cette phrase est très j'avoue. Bizarre. J'avoue. Ça fait un peu psychopathe comme ça. Elle a un chat, elle s'en occupe très bien. Ah. Mais j'avais pas du tout prévu de parler de ça, en fait, à la base, tu vois. C'est vrai. Mais c'est ça, la magie du podcast. C'est que tu vois, on exactement. Va être sur des terrains inconnus, tu vois. C'est un peu voyage en terre inconnue aujourd'hui pour toi, Sofiane. Tu ne le sais c'est pas. C'est vrai. C'est vrai, totalement. Et donc, pardon. tu nous emmènes en Wallonie, j'imagine. En Wallonie, ça va pas, non. À Bruxelles. Mais on aime beaucoup la Wallonie, Mais je suis un rat des villes. Et donc, Bruxelles, Uccle, mon ghetto. Et donc voilà, je sais pas si tu connais Uccle. Je connais de nom, c'est Uccle, c'est ça? Exactement, ça fait bien, voilà, ça fait hyper bam, c'est Uccle. Oui, c'est ça. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai l'image quand tu m'as dit Uccle. En fait, tu sais, moi j'ai l'habitude, vu que j'ai fait pas mal de routes et tout, c'est genre j'ai des noms de villes comme ça que je reconnais sur des panneaux. J'ai jamais vu la ville, mais tu sais, dans ma tête, je vois le nom, comment ça s'écrit, et du coup, je pose la question. Mais tu es français, ça? Oui, c'est ça. Oui, bah, en fait, c'est comme Uccle, c'est pas une ville, c'est comme un arrondissement à Paris, d'accord. Et donc c'est un des arrondissements de Bruxelles. Sauf que nous, on appelle ça des communes. Donc voilà, mais c'est Bruxelles. Okay. Voilà. Très bien, d'accord. Ok, bah écoute, c'est noté. En tout cas, Bruxelles, ouais, c'est très très belle ville et tout. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses à voir, à faire. Enfin bon, quand tout est ouvert, évidemment. C'est vrai. C'est même il y a la nature à Bruxelles, tu sais, l'architecture, la nature, il y a plein de choses à voir à Bruxelles, c'est magnifique, vraiment. Non, franchement, un confinement à Bruxelles, c'est le kiff, tu sais, franchement. Ah, ouais, je pense qu'on a mieux kiffé ici qu'à Paris. Ouais, enfin, écoute, je verrai, peut-être que pour le 17e confinement, je ferai ça en Belgique. Ah ben, n'hésite pas, voilà. Bruxelles t'attend. Merci beaucoup. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, mais c'était dur de choisir parce que tu m'as parlé du bide, j'ai dit mon Dieu. Parce que comme tu le dis en intro, le bide, les humoristes qui te disent qu'ils n'ont pas fait de bide, c'est des menteurs. Et sur une carrière, on en fait pas mal. Mais on apprend à vivre avec. Donc je me souviens forcément des premiers qui étaient les plus douloureux. Parce qu'au début, tu comprends pas ce qui t'arrive, parce que tu sais, les premières fois où tu montes sur scène, et ça se passe pas trop mal, même si en soi, t'es mauvais, tu vois, mais ça se passe pas trop mal. Et du coup, t'as un peu l'impression d'être le roi du monde. Et tout d'un coup, un jour, ça va plus. Et, ouais. Et la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens n'y parlent? Pourquoi rien? Et donc, je pense que c'est les premières fois qui sont hyper dures. Parce qu'après, tu vois, quand t'as du matos rodé, par exemple, même si c'est jamais gai de pas avoir un public qui rit, mais tu peux encore, tu vois, prendre du recul et te dire, OK, ce soir, j'ai été moins bon, ou le public n'était pas réceptif, ou c'était pas. Enfin, tu vois, tu peux un peu rationaliser. Mais les premiers, oh, moi, c'était la fin du monde, quoi. Je pleurais. Enfin, je pleurais, j'étais là, mais ah, je vais tout arrêter. Tu remets toute ta vie en question, mais vraiment toute ton existence. Et. Ouais. Pour moi, il y a deux premières. Il y a la première où tu bites sur un set, tu vois, genre de, je sais pas moi, 10-15 minutes. Et il y a le premier beat de spectacle. Parce que une heure, le premier beat de 1 heure. Mais alors ça, c'est le vaccin, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait un beat d'une heure, tu peux survivre à tout, honnêtement. Et donc, il y a eu mon premier beat. Et je me souviens, c'était le tout début où je jouais. Et honnêtement, j'ai commencé au Kings of Comedy Club à Bruxelles, justement. Des bisous à Cédric Ventroyen, d'ailleurs, s'il nous écoute. Et franchement, ça se passait pas trop mal. Et genre, je crois, après 2 mois, Cédric Ventroyen me dit, voilà, on a un plateau. Et à l'époque, c'était, je sais plus c'était quoi le nom du plateau, mais bref. C'était le Kings of Comedy Show, voilà. Et à l'époque, c'était partager la scène avec PE. Et à 2 autres personnes dont j'ai oublié le nom, c'était une catastrophe, parce qu'ils ont arrêté entre-temps. Mais surtout, il y avait Guillermo Guise, qui à l'époque était déjà... Et donc, du coup, j'avais une pression de dingue, parce que les autres m'avaient un peu survendu, tu vois, en disant, ouais, tu vas voir, elle est cool, hein. Et il s'avère que ce soir-là, j'ai bidé, quoi. On était à Rémy, très très loin en Belgique, très loin. Et les gens, apparemment, avaient déjà insisté à un concours avant de 2-3 heures, donc ils étaient déjà au bout de leur vie. Donc tu vois, ils n'étaient pas prêts pour un nouveau show. Et ils n'étaient pas prêts pour un nouveau show, et encore moins à moi, apparemment. Et j'ai bidé, mais bidé, et c'était horrible, parce que genre les 3 premières rangées étaient vides. La salle était énorme, parce qu'en fait les gens, une fois qu'ils avaient vu tu vois, le pote ou le membre de la famille qui était, tu vois, que le concours était fini, ils sont partis, quoi. Et bref, et du coup les 3 premières rangées étaient vides, aucune réception. Et c'était la première fois que je jouais devant Guillermo Guise, et le tunnel, quoi. Le tunnel, la solitude. Quand t'es sur scène, tu vois, tu tiens le coup, mais dès que je suis sortie, j'étais en pleurs, mais c'était horrible. Et il m'a fallu quand même 1 an et demi, 2 ans avant. En fait, il a fallu le premier beat du spectacle. Et là aussi, ça a été très, très compliqué. C'était au tout début que je le jouais. Donc, tu vois, il n'était pas encore. Tu vois, c'était vraiment le début, quoi. Et encore une fois, j'étais très, très loin en Belgique. Et les gens dans une salle des fêtes, mal agencée, la scène était de travers. Donc, tu vois, j'avais pas le public en face de moi. On était un peu en oblique comme ça. Et devant, il y avait une famille avec un enfant de 6 ans. Mais tu vois, j'aborde des sujets d'une certaine manière. C'est pas pour les enfants, tu vois. À la limite, les enfants, c'est pas grave, parce qu'ils comprennent pas. En fait, c'est le problème, c'est le transfert que les parents ou les grands-parents font, tu vois, en se disant, oh, mon enfant entend ça, et c'est une pause. Et tu vois, et c'était l'horreur. J'ai bidé pendant 1 heure. Heure de silence entière. C'était horrible. C'était horrible, horrible, horrible. Et parce qu'à un moment, tu te dis, mais en fait, à un moment, tu as compris que tu les attraperas jamais. Ouais. Tu vois, tu te dis, bon, ben là, au point, j'en suis. S'ils n'ont pas ri à ça, parce que tu sais, on a tous des... Oui, des vannes tests. Des vannes, tu vois, un peu de température, quoi. Où tu dis, dès le début, moi, je sais que j'ai un set au début où j'ai des vannes. Je sais que si ça ne rit pas à ça, ça va être très compliqué. Tu vois, et du coup, maintenant, je peux me préparer, quoi. Mais à l'époque, je n'étais pas encore prête. Et du coup, j'imagine que tu es partie, tu as fait un peu ce qu'on fait tous. Quand tu as vu que vraiment, tu ne les aurais pas, tu es partie en pilote automatique, quoi. J'ai fait comme si c'était le meilleur public du monde. Et donc, j'ai continué. Et je me souviens, il y avait Marc Andréini qui était là. Et après, il est venu me voir et il me fait, en tout cas, Farah, bravo. Je me dis, Marc, j'ai bidé pendant 1 heure. Il me fait, oui. T'as bidé pendant 1 heure. Donc ça, c'est bien. Tu sais, j'aime pas les gens qui font semblant, genre, non, mais c'était bien. Non, c'était pas bien. Donc, on va pas se mentir. La sincérité, c'est important. Hein. La sincérité, il en faut, hein. Mais oui, mais surtout dans ce métier-là. Et puis, il y a un moment quand les gens rient pas. Enfin, je veux dire, sincérité ou pas, c'est auditif, tu vois. Ou sinon, il faut penser à un sonotone, quoi. Mais il me dit, oui, effectivement, t'as bidé. Mais il dit, t'as pas fait le truc de, par exemple, tu vois, s'il y a un bide, bah, il y a des gens, tu vois, qui vont peut-être faire l'écueil de dire, ah, mais vous êtes pas chaud ce soir. Ah, mais tu vois, ils vont porter ça. Et du coup, ça refroidit les gens. En fait, t'as fait comme si les gens étaient dingues, quoi. Et il fait, ça s'est pas vu que t'as passé le pire moment de ta vie. Et une fois que j'ai eu cette heure-là, après il y en a eu d'autres, hein. Quand tu vas jouer, les gens sont, tu sais, parfois c'est des habitués du lieu et donc ils viennent un peu par curiosité, ce qui est très cool, mais et ça matche pas, mais du coup j'ai appris en fait à faire comme si de rien n'était. Et alors du coup, oui, t'es en pilote automatique, mais je me dis, bon, je suis quand même payée, donc on va quand même on va quand même faire le taf, mais ça te permet, c'est formateur. Formateur, mais, en fait. Mais de tout, mais même dans ta vie perso. Hein. C'est-à-dire que quand tu as survécu à une humiliation devant plus de 10 personnes, bah, tu vois, dans la vie, tu as peur de beaucoup moins de choses, en fait, vu que tu t'es déjà humilié devant des sages. Enfin, tu vois, quand tu t'es humilié devant 50 personnes, que t'étais... parce qu'en gros, monter sur scène, c'est dire aux gens, dites-moi que je suis drôle. Et là, les gens, clairement, t'ont dit, ben non, t'es pas drôle. Ah bah, ça te permet d'avoir une humilité et une force dans la vie où tu te dis, franchement, les gars, après ça, je peux survivre à tout, quoi. Ouais, donc, ça va, ça va. Mais j'allais te poser la question, tu vois, parce que tu disais, monter sur scène, c'est demander, est-ce que je suis drôle. Quelque part, est-ce que tu penses pas que c'est aussi dire, est-ce que vous m'aimez, tu vois? Ah, un truc un peu freudien, comme ça. Oui, bah oui, aimez-moi, mais moi, c'est plus... Après, moi, je sais pas, c'est est-ce que vous m'aimez ? Moi, c'est vraiment un truc depuis toujours. J'aime faire rire les gens, tu vois. Tu vois, si je même avant d'imaginer de faire de l'humour et tout, si je lâchais, tu vois, avec des amis ou en famille une vanne et que j'arrivais à faire rire tout le monde, c'était une satisfaction, tu vois. Et alors, est-ce que c'est une fois, je sais pas, il faudrait demander à un psychologue. Mais moi, c'est vraiment la satisfaction. C'est vraiment un truc. Je suis comme une petite fille qui est hyper contente, tu vois, d'avoir fait une blague qui marche, quoi. Donc, mais je comprends. Ouais. C'est ce qu'on ressent souvent, mais voilà, on cherche un peu l'approbation, l'amour du public, et le fait que les gens ne rient pas, ça veut plus dire ce soir on ne t'a pas trouvé drôle sur le moment, mais peut-être que t'es quelqu'un de très drôle en temps normal, mais là ce soir on ne t'a pas trouvé drôle, mais nous on va le prendre, moi j'ai l'impression, moi le premier quand je prends un bide et tout, je le prends un peu comme on ne t'aime pas, tu vois, et c'est dur, bien évidemment après coup je réfléchis et je me dis mais non, c'est juste que ce soir t'as pas été bon, tu les as pas attrapés machin, ou alors peut-être il y avait quelque chose. Les gens mangeaient en même temps, c'était du plein air, je sais pas, tu vois, il y a plusieurs trucs. Ou alors j'ai joué en chicha. Hein. Ça, la chicha, je pense que le bide en chicha, ça me fait plus rien maintenant, c'est pas grave, c'est pas... Non, moi ça, c'est le truc, je sais que je suis pas faite pour aller en chicha. Donc tu vois, là, j'ai l'intelligence ou l'instinct de survie, je sais pas. Parce que voilà, je sais que j'ai un certain propos, j'ai certaines choses qui passeront, ça ne passera pas en chicha, tu vois. Donc, d'accord. Donc ça, et peut-être que je me trompe, en fait, hein, peut-être que... Mais bon, on sait tous que jouer en chicha, c'est compliqué, mais... Mais bien payé. Mais il paraît, c'est dommage. Ouais. Mais après, moi, je ne suis pas sûre que je sois méga bien accueillie. Donc, les chichas... mais en même temps, on ne m'a jamais proposé de jouer dans une chicha. Donc, mais en Belgique, il y a moins ça. Je pense qu'il n'y a pas de stand-up dans les chichas. Donc, du coup, on a moins ça. Mais pour revenir au point de... Moi, je ne le prends pas personnellement de « on ne t'aime pas toi ». Parce que ce qu'il y a, c'est que... Sur scène, mes fans sont quand même un peu méchantes. Enfin, pas un peu méchantes, mais j'ai un personnage très noir et très méchant. Pas dans l'attitude. Tu joues plus dans l'attitude. Mais c'est pas un personnage, mais je fais de l'humour noir. Et donc, y a beaucoup de gens qui sont « Oh mon Dieu, cette vanne, ça va trop loin pour moi, ça va trop loin pour moi ». Du coup, il y a un tel décalage entre l'atrocité de mes vannes et ma personnalité que je le prends pas personnellement, quoi. Ce qui me touche, c'est qu'on n'aime pas mon travail, tu vois, on n'aime pas mon travail, on n'aime pas mon humour, et du coup, de toute façon, c'est un rejet. Alors après, que ce soit un rejet professionnel, un rejet personnel, ça dépend comment tu le prends, mais le rejet, quel qu'il soit, est douloureux. Mais après, honnêtement, déjà, on se souvient plus des bides que des succès, enfin, ou des scènes qui se passent bien. C'est celle dont on rit le plus après. Ouais. Entre potes humoristes, on va d'office plus se souvenir et plus rigoler autour de « Ah ouais, tu te souviens cette scène ?» ou machin. Même si sur le moment, tu avais envie de pleurer. Mais c'est surtout celle, pour moi, alors ça fait cliché, hein, ça fait une Instagrammeuse, mais qui apporte le plus, tu vois, parce que du coup, à la prochaine, t'as la niaque, quoi. T'as envie de tout défoncer, et puis ça donne peut-être des idées de vannes et tout. Donc, je suis totalement d'accord. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Je l'avais déjà dit dans le podcast et tout, mais clairement, le réflexe qu'on a en général, c'est que on est tellement dégoûté d'avoir bidé que la fois d'après, on cartonne. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Si on avait une énergie. J'ai rarement fait deux bides de suite, mais oui, ça te donne un truc de, il faut remonter, quoi. Il faut y aller, et puis. C'est hyper c'est formateur, et puis surtout, ça t'apprend à avoir de la prestance, à pas être sûr de toi, à te dire. Ok, il faut que je change telle vanne, il faut que je change. Donc ça fait partie du jeu, même si c'est pas agréable du tout. Mais c'est hyper formateur, quoi. C'est vraiment. C'est vrai, totalement. Il faut bider, les amis. bien sûr, on vous encourage à bider. exactement. Mais franchement, oui, et le plus vite possible. Ben oui, il vaut mieux, il vaut mieux. Mais enfin, en fait, il faut juste s'y attendre, quoi. Il faut savoir qu'à partir du moment où on va monter sur scène, on peut bider. Faut pas se dire, faut pas se fier à la première impression, parce que souvent la première scène, elle se passe plutôt bien, parce que Ouais, parce les qu'il y gens a tous sont tes bien potes et payants. toute ta famille, quoi. Voilà, c'est on se met dans des bonnes conditions et tout, tu vois. Et je veux dire, il faut juste s'attendre à ce que ça ne se passe pas comme ça tout le temps. C'est vrai que le premier bide, moi je pense que le premier bide, comme tu as dit tout à l'heure, il fait très très mal. Mais après, une fois qu'on l'a pris, allez, c'est pas grave, on sait que ça va encore arriver. C'est très douloureux quand ça arrive, mais on est mieux armé, on va dire, pour l'affronter, Voilà. quoi. Mais il en faut quand même quelques-uns avant de vraiment s'habituer à ce sens. Enfin, tu vois, à pas perdre pied, à pas paniquer, tu vois, à vraiment arriver à être poker face, quoi. Et Oui, à te voilà. dire, à essayer de comprendre aussi pourquoi t'as vidé. Parce que sur le moment, bah, t'es juste dans l'émotionnel, donc tu pleures, tu remets ta vie en question. Maintenant, avec le temps, tu peux te dire, ok, déjà, il y a des bids que tu sens avant de monter sur scène, tu vois. Tu sais, avant de monter sur scène, tu dis, ok, on va pas passer un bon moment. Et pour certaines raisons, et tu sais pourquoi, et que du coup, bah, tu dis, bon, bah, tant pis, enfin, tu vois, il y a un moment, je ne peux pas lutter contre les éléments. Donc, ouais, il y a des beats que tu sens arriver avec les gens avant toi, avec la façon dont le public est agencé, le façon, tu vois, il y a plein de choses qui font que tu te dis, là, ça va être dur, quoi. Les beats les plus difficiles, c'est quand tout se passe bien pour tout le monde et que toi, ça prend pas. Ça, c'est très dur. Parce que tu vois, si c'est les conditions, si les autres galèrent aussi, bon, tu fais un bin et tu dis, bon, apparemment, c'est la vibe de la soirée, C'est ça. mais tu as déjà des soirées où ça se passe bien pour Ouais, les autres, et puis tout d'un coup, à toi, tu fais, ah, ah, pourquoi? j'avoue Qu'est-ce que qui se passe? quand t'es le seul à bider, là, ça fait très très mal. C'est très, très dur, mais ça arrive, hein, ça arrive, vraiment, Ah, ça mais arrive. totalement, hein. Mais ouais, je me souviens une fois en Bretagne, comme ça, je parlais de la manif pour tous, et apparemment c'était une zone où il y avait beaucoup de gens qui avaient participé à la manif pour tous, Ah apparemment. oui. Et clairement, ils n'étaient pas d'accord avec moi. Oh là là, quel long moment de solitude, quoi. C'était vraiment, oh, c'était horrible, vraiment horrible. Parce que pour peu que tu sois un peu fatigué, un peu, tu vois, ou genre, tu as fait 3 heures de route, et tu fais, tiens, Ouais. 3 heures de route. Pour bider les gars, vraiment. Donc voilà. Et puis après, il y a les mystères aussi. Tu sais, il y a un bide au début, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi. Il y a, je sais pas, tu arrives à quand même les choper, et là, tu les prends. Et ça, c'est les meilleurs, ça. Tu sais, quand ça prend pas au début, et tu te dis, oh là là, ça va être un tunnel, et que finalement, tu les chopes quand même. Et puis il y a l'inverse, où ça commence en fanfare, et puis tu fais, ben, pourquoi est-ce que. Quel mot vous a pas plu dans l'histoire? Et C'est tu les ça, c'est perds. ça. Donc, Non, bah, écoute. non. Après, malheureusement, tu vois, les bids sont nécessaires et les succès sont nécessaires. C'est normal, tu vois. Il faut des bids pour pouvoir, comment dire, se remettre en question parce que c'est très important. Et il faut que ça marche aussi pour se redonner confiance. C'est normal, tu vois. Les deux font un équilibre dans le Bah stand-up, après, quoi. si ça marche, si tu fais que des bides, faut arrêter ce métier. Parce que tu vois, autant qu'il y ait des succès, mais j'espère qu'il y a des J'avoue. succès. Parce que sinon, alors là, la question, c'est de se dire, bon, s'il n'y a jamais de succès, bon, il faut peut-être se poser la question. Mais parce que tu peux survivre au bide, justement, parce qu'il y a eu des succès. Mais si tu fais que des Oui. bides, Ah bah oui. après, je ne sais pas, après combien de bides, tu peux dire, bon, ben, c'est un signe. Je ne sais Mais pas. je trouve qu'il y a un effet un petit peu bizarre avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des humoristes, bon, on citera pas de nom, hein, mais il y a des Jamais. humoristes qui n'ont voilà, qui n'ont pas qui n'ont jamais eu de gros succès justement et qui ne savent pas jauger. Je te jure, je dis même pas ça Ah, méchamment. non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Et on ne citera pas de nom, même s'ils sont Ouais. beaucoup, ils sont nombreux. Mais des gens qui n'ont pas conscience. Mais après, je me dis, parce que moi, je suis trop sévère avec moi-même. C'est-à-dire que si je n'ai pas un tel niveau de rire ou X applause, pendant mon tu vois, je ne suis pas contente. Mais Oui, toi voilà, c'est à l'inverse, toi c'est c'est mon l'effet délire. inverse en fait, c'est-à-dire que même un bon passage pour toi, il aurait pu être encore mieux, tu es Oui, et exigeante avec toi-même. voilà, mais on est plein d'humoristes comme ça, hein, où moi je vois un humoriste, pour moi il a cartonné, il va sortir et il va dire ça n'a pas été, tu vois. Mais j'ai ce syndrome-là aussi, donc je comprends. Mais à l'inverse, je suis fascinée par ces gens que je vois, mais tout le temps. Mais d'ailleurs, il y a des gens que je n'ai vu que bider et qui ça c'était bien. Hein. Je dis, bah, écoute, pour toi c'était bien. Honnêtement, c'était bien. Ah Qu'est-ce que ouais. tu. Mais après, je me dis tant mieux, tu vois, parce qu'ils n'ont pas cette souffrance, cette. Non, moi, j'ai déjà Ben entendu des gens. Non, mais moi, j'ai jamais fait de bide. Ah, ben, on va pas citer les fois où je t'ai vu. Alors, enfin, tu vois, je veux dire, c'est très. Il y a des gens qui n'ont pas cette notion de bide. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Ben, franchement, moi je te dis, ça m'avait choqué une fois. J'ai vu ça. Je jouais dans une soirée, on a tous cartonné et il y avait Il y avait une humoriste en fait qui est venue, qui a fait un passage. Franchement, son passage, il était moyen, tu vois. Il était moyen. Et le public n'avait pas du tout accroché. Ce qui peut arriver, je remets pas Oui, ça en cause. Ça arrive, bien sûr, bien sûr. Ça Bien peut sûr. arriver, tu vois. Voilà. Et En ça ne tout remet cas, pas en cause le talent de l'artiste, hein. on est d'accord. Mais elle, en tout cas, si tu veux, elle avait son sketch et tout. Ça prenait jamais, en fait, on va dire. Mais ce soir-là, c'était plus flagrant parce que tout le monde avait cartonné, tu vois. Donc, C'était plus violent, quoi. Tu mais vois, c'était plus violent. Et le truc, je l'ai vu. Et moi, j'avais, tu sais, je suis quelqu'un, j'essaye d'avoir de l'empathie et tout. Donc, je te jure, je l'ai vu et j'ai eu mal pour elle. Et à la fin, quand tout le monde, quand elle est descendue de scène et tout, tu sais, je l'accueillais. En fait, c'est moi qui présentais la soirée. Et je l'ai accueillie avec le visage du je suis désolé pour Je suis toi, tu vois. désolée, ouais, je Voilà. sais que t'es pas gay, mais Mais je te courage, tu jure. vois. Bah, voilà, moi c'était en mode t'inquiète pas, machin, tu sais, encouragement quoi, tu vois. Comme moi aussi, on a pu m'accueillir avec ce visage après un bide, hein, ça, il n'y a Oui, pas de problème. et nous Non. en face, on a le visage du ouais, je sais, mais ta gueule. Voilà, mais on le reconnaît. Bah, Mais elle, bien non. sûr. Mais je te jure, elle est sortie, elle m'a fait, ah, je suis contente, ça a bien marché ce soir. Ah, bah écoute. Mais moi, Et c'est du toujours, coup. j'ai le ah, bah écoutez, bah, tant mieux. Non, mais. Mon visage s'est vite changé, tu sais. Mon visage s'est changé en mode ouais, t'as raison, ouais, super, super, c'était génial. Tu vois, j'en ai pas rajouté non plus, tu vois. Mais j'ai vite, si tu veux, je suis revenu à mon visage normal. Je suis pas resté en mode oh non, tu vois. Je voulais pas, en fait, je voulais pas comment dire, la faire sortir de ce nuage, quoi, sur Oui, lequel elle c'est était. ça, du good vibes. Oui, parce que après, Voilà. moi, comme j'ai toujours, si la personne n'en a pas conscience, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a ce syndrome. Mais en fait, il y a les deux extrêmes, c'est-à-dire que tu as des humoristes qui, bon, ne sont jamais des grands prestas et ou en tout cas n'ont pas conscience d'avoir fait un bide. Et puis à l'inverse, quoi, il y a des gens qui déchirent tout et qui sont jamais contents, tu vois. Donc ouais, il y a vraiment les deux extrêmes. Après, je pense qu'il vaut mieux être trop exigeant avec soi-même. Oui, Et alors. mais voilà, mais pour leur bien-être mental, tant mieux Ouais. pour eux. Mais à choisir, voilà, à choisir, je préfère être l'humoriste jamais Jamais satisfait, même si content, bien. ouais. Voilà. Il vaut mieux Ouais. ça. S'il faut choisir un des deux extrêmes, je préfère être celui qui est jamais Ah ouais, satisfait c'est plutôt que horrible. celui qui se satisfait de tout, quoi. Parce Oh, que. non, non. Non, non, c'est C'est pas gage horrible. de qualité, quoi. Bon. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si elle avait je sais pas moi, une crotte au bord du nez et personne ne te le dit, tu vois, c'est horrible. C'est horrible. Moi, je préfère le dire. Mais dans le cas des bides, j'ose pas, tu vois. J'irais plus facilement dire à quelqu'un, t'as un petit truc au bord du nez Oui, parce que là, au moins, ben là, il y a des miroirs pour montrer. Alors que t'as pas Oui, tout toujours à une l'heure. vidéo sur toi, tu sais, pour montrer, regarde, il n'y a personne qui rigolait, tu vois. Oui, et C'est. puis tu passes pas pour quelqu'un de méchant parce que c'est très dur. Enfin, tu vois, quelqu'un. Ah, et en même temps, c'est vrai que tu vas pas dire à quelqu'un d'autre, t'as bidé, machin, c'est dur si la personne. Enfin, Non, tu vois, non, parce que moi moi, je le dis je pas. sais Moi, si la personne. que j'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai fait un bide, tu vois. Je sais que j'ai bidé, j'ai pas besoin qu'on me console, j'ai pas besoin qu'on me dise, ah non, mais t'inquiète, c'était pas si grave que ça. C'était pas bien, on va pas en parler. Et ça se voit sur ma tête, hein, quand j'ai bidé. Après, je suis pas très loquace, quoi. Tu vois, je suis là. Non, mais c'est pas grave si tu veux. Après, il y a des humoristes qui vont venir te voir et qui vont te dire, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah non, Tu moi vois? je le sais, moi je n'ai même pas besoin de demander. Mais d'ailleurs, les gens qui me connaissent, ils me disent, oula, toi t'es pas contente. Tu vois, parce que c'est. J'ai pas besoin de l'avis des autres, quoi. Je sais si c'était bien ou pas bien. Ou si... Donc ouais, non, non, c'est. Non, Ben, j'ai pas besoin que les autres me le disent. moi c'est vrai que ouais, à force de jouer et tout, moi aussi, quand je joue et que je sens que ça prend pas vraiment, je sais que vraiment ça va pas prendre ou quoi. Je vais essayer de les attraper, mais bon, je sais que ça va pas prendre. Et à la fin, je me fais pas d'illusions, hein. Je sais très bien que voilà, ça a pas marché. S'il y a quelqu'un qui me dit non, non, mais c'était super et tout, et que moi je sais que vraiment je suis planté, La ben c'est pitié, pas grave. c'est horrible. La pitié, Non, c'est mais pire que le bide, quoi. moi je remercie ces personnes-là parce que des fois c'est des gens qui n'ont pas vraiment comment dire, qui n'ont pas le barème, tu vois, qui n'ont pas l'habitude du stand-up et tout, donc ils n'ont pas le Oui. barème. Si tu veux, ils étaient pas avec toi la veille quand t'as joué et que ça s'est mieux passé ou tu vois. Donc je leur en veux pas du tout, au contraire, je les remercie pour leur gentillesse, mais au fond de moi, je sais que j'ai bidé, quoi. Oui, ben c'est ça. Oui. Après, bah non, je peux en vouloir. Je vais pas en vouloir aux gens, mais après, j'ai pas besoin de compassion et de pitié. Enfin, tu vois. C'est comme moi quand il y a quelqu'un qui a bidé, je ne veux pas lui dire non, ça a été, tu vois, je vais juste dire, enfin, tu vois, comme tu dis, la tête un peu désolée, je peux t'offrir à boire ou tu vois un truc, mais Mettez-lui un truc fort, s'il vous plaît. très très fort et de la drogue si possible. Mais je vais jamais dire à quelqu'un, mais non, c'était super alors que c'était pas. Alors, je dis pas que son passage n'était pas super, mais que la réaction du public n'était pas. Donc non, il faut être quand même un peu honnête et puis voilà. On est assez grand que pour pas avoir besoin d'être consolé par Ah les oui. autres, par le reste de la team, quoi. En même temps, on n'est Et pas là puis, pour faire du très social non honnêtement. plus. Bah, très honnêtement, je veux dire, si jamais on se met à l'humour et tout, il faut s'attendre à ça. Je veux dire, ça peut pas être rose tous les jours, tu vois. Donc, allez, tu bides, c'est pas grave, ça arrive. Mais je veux dire, il faut s'y attendre et au contraire, mentir aux gens et leur dire, ouais, non, c'était super, c'est pas ce qui va les aider à monter, tu vois. Oui, mais après, ça, je pense que c'est un. T'auras beau. Quelqu'un qui n'est jamais monté sur scène, t'auras beau lui expliquer ça. Je pense que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas. Tu vois, parce que je sais que quand je l'explique, il y a des gens qui ne sont pas humoristes ou machin. Ils voient, mais sans voir, tu vois, parce que ouais, tant que tu n'as pas fait l'expérience toi-même, tu peux pas imaginer la souffrance et la douleur que c'est d'être face à un public. Parce qu'alors, il y a les regards aussi. Parce que Ouais, dans le vide, il y a ceux qui te regardent comme ça avec beaucoup de pitié, puis avec il y a ceux compassion. qui tournent la tête, tu sais, genre, je veux pas avoir sa tête, je veux pas croiser son regard. Oh là là, il y a plein de têtes différentes. Et après, il y a ce que tu penses être un bide. Bon, après, il y a les vrais bides, mais moi, j'ai déjà eu, par exemple, je me souviens, mon spectacle, ça fonctionnait bien, mais il y avait une table, c'était un couple, et ils riaient pas, quoi. Et ça Ouais. m'énervait parce que forcément, tu ne vois qu'eux, hein. Même si le reste du public rigole, tu les vois qu'eux. Donc je joue mon truc parce que le reste ça fonctionne et tout, mais c'est quand même chiant parce qu'ils étaient au premier rang. Ils viennent me voir à la fin du spectacle. Non, le lendemain, la meuf m'envoie un message et elle me dit, j'ai jamais autant ri toute ma vie. Déjà, à quoi ressemble le reste de ta vie? Parce que si là, t'as jamais autant ri de toute ta vie, à quoi ça ressemble le reste du temps quand t'es triste, tu vois? Oh là Et là. donc voilà. Et donc techniquement, ils n'ont pas ri, mais apparemment, ils avaient passé un super moment parce que tu vois, il y a le public, tu sais, le public qui rit pas. Tu sais, le Oui. public est un peu timide, ou les Oui. publics machin, et ils ont kiffé, mais en Ben, silence, quoi. Et moi, je suis là, mais ben c'est non, en bizarre. fait. C'est la formulation en fait qui est bizarre parce que dans ce que tu m'as raconté, j'ai reconnu une situation qu'on a tous vécue, le coup de quelqu'un qui ne rigole pas et qui à la fin vient te voir et te dit j'ai adoré. Mais il te dit Mais pas j'ai rigolé. Alors que toi, elle te dit j'ai jamais autant ri de ma vie. Donc il y avait une action ouais. visible qui Hyper aurait pu se passer. intérieurement, quoi. J'étais là, waouh, à quoi ça ressemble quand tu tires la gueule exactement? Ouais, non, c'était. Franchement, j'étais là, je fais, what? Mais qui est cette Ah mais. personne? Ah mais c'est ça. Donc ouais, donc il faut aussi apprendre à capter aussi parce que et c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher quand tu fais un bide C'est parce ça, que parce que parfois tu tu as ne ce qu'on sais pas. appelle les publics attentifs, même si c'est horrible, tu vois, les publics à l'écoute, mais il y en a parfois. Hein. On appelle ça les publics France Inter, tu sais, un peu le public. Non, mais tu vois ce Là. que je veux dire, les publics qui. Et voilà Ah, quoi, d'accord. tu vois? Un petit peu, ouais, qui apprécie, qui rit intérieurement, comme on dit. Oui, voilà, c'est le rire intérieur. Donc voilà, il faut. Parce que parfois, il y a des gens qui ont la banane pendant tout ton set, mais t'as pas entendu le son de leur voix. Mais ils ont quand même un sourire. Donc en soi, il n'y a pas eu d'éclat de rire, mais la personne a quand même passé un moment. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher, parce qu'il y a peut-être toujours une personne ou deux dans la salle qui passe un bon moment, mais comme la majorité, parce qu'il y a aussi l'effet de foule dans les bides et dans les succès, c'est-à-dire que. Malgré tout, les gens sont assez influençables et que bah, si tout le monde rit très très fort, bah, les gens vont se laisser plus vite aller. Alors que si la majorité ne rit pas, même s'il y a quelques personnes qui, elles, bah, réagissent à ton humour, bah, ils ont quand même peur en fait de rire tout seul. Et Oui. donc c'est jamais un bide complet. Donc il faut toujours te dire que tu joues pour cette petite personne ou ce petit groupe de personnes qui te kiffent quand même, mais qui ont un peu la honte de rire tout seul, quoi. Ah, totalement, totalement, mais c'est ça, hein, écoute. Bah, notre boulot à nous, voilà, c'est d'offrir le meilleur truc, rester sur les rails, d'offrir la meilleure prestation possible. Après, Exactement. voilà, c'est au public d'apprécier ou pas, ben voilà, après on fait au mieux. Et au pire, même si on n'a pas vu de rire et tout, on peut avoir une bonne surprise à la fin et que les gens aient quand même apprécié. Le plus important, c'est qu'ils aient passé un bon moment, quoi, tout simplement. Exactement. Voilà. Mais merci beaucoup, Farah, pour ces anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh bah écoute, Facebook, Instagram, Farah Humoriste, D'accord. classique quoi. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.